justement le neurotone, mélange entre neurofunk et reggaeton. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un style, comment on pourrait dire, qui est très très cloîtré, même si on peut bien sûr en déborder facilement. En fait, j'ai appelé ça le neurotone parce que c'est des rythmes un peu cassés façon afro-trap ou reggaeton ou balkan beat. C'est pour ça le tone, ça vient du reggaeton. Et des basses et une ambiance à la drum and bass, neurofunk, etc. Des basses synthétiques neuro. Voilà. Voilà le principe de base. Le tout à un tempo environ de 150 BPM. Correspond à peu près à la jungle ou au breakbeat au tout début des années 90, donc vraiment au tout début de la jungle, c'était à peu près ce rythme là, ce tempo là. Aujourd'hui on est plutôt dans les 175-180, mais à l'époque on était plutôt dans les 150 voire 145. Donc voilà. Et donc je reviens un petit peu aux bases du tempo avec un style un peu afro, mélange entre afro, trap et des sons plus drum and bass modernes. Enfin c'est un peu, voilà, c'est un style pour l'instant très personnel, qui a, je crois que, je pense qu'il y a que moi qui fait ce truc là.